professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, convié au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Quelle est la perception des Européens par les Indiens à l'époque moderne? Pour son ultime cours dans le cadre de la série sur l'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e, 18e siècle, Sanjay Subramaniam, illustre spécialiste des histoires connectées, met un coup de projecteur sur les peintures, textes, récits de voyage des Indiens qui s'attachent à décrire les Européens et l'Europe entre fascination et profonde critique. Aujourd'hui, la focale est large, d'un incident en 1632 un peu oublié, au texte d'illustres indo-persans envoyés en mission en Europe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Cette enquête débute par l'analyse d'une peinture représentant les Moghols attaquant une ville portugaise en Inde, mais fait remarquable, note notre historien, la ville a un caractère européen comme cela n'a jamais existé en Inde. Dans cette première modernité, les Indiens ont une vision très négative des Européens et des Portugais en particulier. Sanjay Subramaniam, comme à son habitude, nous livre quelques savoureuses citations. Si les Indiens ont voyagé en Europe dès le XVIe siècle, il faut attendre le siècle des Lumières pour voir se déployer une connaissance de plus en plus approfondie de l'Europe et de son histoire par les Indiens. Voyageurs, ambassadeurs à Londres ou à Paris et intellectuels de cabinets indo-persans livrent leurs textes et récits à destination d'un public désormais indien. Parmi les plus illustres de ces voyageurs, Sanjay Subramaniam s'attache aux figures de Mirza Ittisam al-Din et de Mirza Abu Talib Khan. Sanjay Subramaniam, qui a enseigné à Delhi et à Oxford, qui se partage entre l'Université de Californie et sa chaire d'histoire globale au Collège de France, où il est professeur invité, rappelle au début de son dernier ouvrage, L'éléphant, le canon et le pinceau, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie 1500-1750, que comprendre l'autre devient plus compliqué qu'une histoire de langue ou de langage. Une très abondante littérature, écrit-il, existe déjà sur les rencontres de la première modernité, période s'étendant du XVIe au XVIIIe siècle. Elles insistent avant tout sur les nouvelles formes de perception et d'analyse que ces rencontres ont pu favoriser, ainsi que sur la création ou recréation de certaines disciplines, parmi lesquelles une bonne part des sciences sociales modernes. Ce faisant, on perd quelquefois de vue le fait que ces relations n'avaient pas lieu entre des sociétés ou des systèmes culturels définis comme tels, mais entre des subcultures particulières ou des segments de la société. Et c'est en tenant ces différents fils que nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Sanjay Subramaniam sur l'Europe et l'Inde à l'époque moderne le 13 juin 2016. Aujourd'hui, donc, j'ai l'intention de retourner un peu le regard. Donc, nous avons passé en revue le 16e, 17e et nous sommes arrivés donc à la semaine dernière avec ce cours portant sur la deuxième moitié du 18e siècle, le moment déjà de la conquête britannique et les suites de la conquête britannique, comment en fait ces questions ont été abordées par des gens avec un autre esprit, c'est-à-dire on a aussi pu faire le contraste entre quelqu'un comme l'Écossais James Fraser dans les années 1730-40 avec un certain type de regard, et puis arrivant dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec des gens comme le colonel Pollier ou Alexander Walker de Boland, On a donc une autre façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, donc, je vais commencer en réfléchissant sur le regard donc, porté dans l'autre sens. Et ça, c'est un bon moment pour commencer. Donc, nous sommes octobre 1632. Et ça, c'est un incident que n'a pas tellement retenu l'attention des historiens, sauf, bien sûr, les spécialistes à la fois de l'histoire moghole, mais aussi de la peinture moghole. Parce qu'il s'agit donc d'une peinture qui vient de la chronique de l'époque du roi Shah Jahan. C'est la chronique donc, qui s'appelle Badshahnama de Abdulhamid Lahori. Et ça, c'est la version peinte qu'on a aujourd'hui au château de Windsor, mais qui fait partie d'ailleurs, je ne dirais pas exactement du butin, mais en tout cas, ça fait partie des processus de la conquête parce que ce genre d'album a été amené en Angleterre. Justement, dans le cadre de la conquête britannique, ça a passé par Avad, et il faut dire que je trouve plutôt étrange que la reine d'Angleterre, maintenant, pour reproduire cette peinture, nous demande beaucoup d'argent. Hein. Donc, voilà comment les choses sont. Mais alors, qu'est-ce que démontre donc cette peinture? C'est l'attaque menée par les Moghols contre une ville portugaise hein, dans le Bengale. C'est la ville de Hooghly, qui se trouve pas loin du tout de Calcutta. Aujourd'hui, on a plutôt tendance d'appeler cette ville Bandel, qui est une déformation du mot Bandar, le mot pour dire port en persan. Et vous voyez que le peintre a voulu faire quelque chose d'un peu fantaisiste, c'est-à-dire, vous voyez ici, une ville européenne, comme ça n'a jamais existé en Inde, mais qu'il a pris, qu'il a calqué, donc d'une gravure probablement flamande, et donc pour représenter les Portugais qui sont là. Et ici, vous voyez que la façon de représenter cette ville, c'est tout à fait autre que la façon de représenter les Moghols. Ça, c'est plutôt, disons, que cette moitié de la peinture est plus ou moins une peinture classique moghole, sans perspective, tandis que là, on a donc toute la mise en perspective qu'on a, donc qui est typiquement pris des peintures et des gravures européennes que les Moghols avaient vues depuis la fin du XVIe siècle. Alors, pourquoi cette attaque menée contre les Portugais et quelles étaient les conséquences de cette attaque? On a, comme toujours dans ce genre de situation, des sources venant des deux côtés. Donc, tout d'abord, ce que dit le vice-roi portugais. Donc, ça, c'est une lettre écrite par le vice-roi Dom Miguel de Noronha, conde de Linhares, au roi, qui était à la fois le roi d'Espagne et le roi de Portugal à l'époque, Philippe IV. Il dit, la cause de cette action, de cette détermination des Moghols, on comprendra bien qu'elle nous est imputable à nous, Portugais. Ce roi moghol, un deuxième ou troisième fils, se rebellant avec tout le royaume contre son père et se mettant en campagne pour livrer une bataille qu'il perd et se réfugiant au royaume de Bengale, il demande leur aide aux Portugais de Goli, c'est-à-dire Hooghly, qui la lui refuse par fidélité à son père, le roi, et qui le chasse en gardant certaines de ses femmes, qui, dit-on, sont ensuite malmenées. Il emporta avec lui un sentiment caché dans sa poitrine, recusé dans son peito, qu'il fit se venger en ordonnant que tout ce qui habitait ce port où on lui avait fait injure soit tué ou capturé. Ça, c'est donc pour personnaliser la chose. En fait, l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Si on commence à regarder les documents moghols de plus près, on voit qu'en fait, derrière ça, il y a aussi quelque chose d'autre. Les moghols sont gênés par le commerce des esclaves des Portugais parce que les Portugais du Bengale étaient assez portés dans ce type de commerce. Ils faisaient des razzias dans les villages du delta de Gange en alliance avec les rois d'Arakan. Et puis, ils vendaient ces esclaves. Et d'ailleurs, il y a, on sait, dans à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, plusieurs milliers d'esclaves bengalis qui ont été vendus, par exemple, en Indonésie. Les Néerlandais ont beaucoup acheté des esclaves bengalis, par exemple. Et donc, c'était en partie une action contre ce commerce esclavagiste des Portugais. Par la suite, on sait qu'il y a même quelques autres peintures venant des Moghols. Vous voyez ici les Portugais qui sont présentés comme étant à l'extérieur de la cour de Shah Jahan, que vous voyez ici. Et d'ailleurs, il y a des passages dans la chronique qui vont justement avec ces peintures. Par exemple, ce passage là, qui nous dit la suite donc de cette action. Que par, ça, c'est, ça vient donc de Lahori, le Vachanama. Parmi les prisonniers francs, francs ici, c'est le mot firangi, le mot afrange ou firangi, afrange en arabe, firangi en persan, qui est le mot utilisé pour dénommer tous les Européens. Et c'est en fait un reste des croisades. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui reste dans pas mal de langues asiatiques, même en thaïlandais, ou même en chinois, à l'époque, souvent, on utilise pour les Européens Folangi. Et Folangi, c'est Firangi. Effectivement, c'est le même mot. Donc, ici, parmi les prisonniers francs, hein, 400 hommes et femmes, jeunes et vieux, ainsi que les idoles, ça, on parle donc de la Vierge essentiellement, Asnam, de ces infidèles erronés, ont été traduits devant le Padcha qui nourrissait l'islam. La Khakan, hein, donc c'est le titre centra-asiatique, qui soutiennent la foi et détruit l'infidélité, puis a d'abord ordonné au maître de la tradition juridique d'inviter ce groupe misérable sur le droit chemin de la communauté des Mahométans, Millat et Mohammadi, et la route de la foi d'Ahmad, et de leur inculquer les préceptes de l'islam. Certains de ceux qui ont trouvé qu'il valait la peine d'être ainsi anoblis en acceptant la bonne foi ont reçu la faveur impériale. La plupart d'entre eux, par ignorance implacable et fausseté, détournaient la tête d'atteindre cette bonne fortune. Ils ont été répartis entre les amirs et il a été ordonné que ce groupe misérable soit mis en prison et torturé. Tout ce qui était enclin à l'islam furent signalés à l'empereur et tous ceux qui n'ont pas accepté l'honneur devaient être gardés en prison. La plupart d'entre eux ont péri en prison. Donc, en fait, ça, c'est une partie de l'histoire, mais on sait aussi que ça, c'est l'origine de la communauté chrétienne et portugaise d'Agra, puis qui devient en partie la communauté chrétienne et portugaise de Lahore. Donc, en fait, il y a toute une suite, parce que dans les générations à suivre, la deuxième moitié du XVIIe siècle, la première moitié du XVIIIe siècle, il y a toujours des gens d'origine portugaise, plus ou moins, dans la cour moghole, et qui font différentes sortes de services. Si on regarde, par exemple, le texte du Vénitien Manuzzi, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, il parle souvent de ces chrétiens. Et par exemple, une femme chrétienne qui s'appelle Maria d'Ataïde, qui était mariée avec un grand amir iranien qui s'appelle Ali Mardan Khan. Et donc, par exemple, ce genre de personnage. Il y a d'ailleurs une petite réflexion sur cette question dans ce texte du Augustin Sebastião Henrique, portugais, qui était à la cour moghole. Il était très ami avec le beau-père de Shah Jahan, hein, qui était lui aussi un Iranien, un noble, mais aussi un grand marchand, qui s'appelait Asaf Khan. Est-ce qu'il était le beau-père ou le beau-frère? Peut-être plutôt le beau-frère. Mais en tout cas, donc Asaf Khan, à un moment donné, selon Henrique, a organisé une espèce de fête dans laquelle il dit qu'il y avait des dames portugaises, hein, vous voyez, les portugaises de l'Ugulim, c'est les portugais de l'Ugulim qui ont préparé des desserts. Et Shah Jahan a beaucoup aimé ce qu'ils ont préparé. Et il a voulu donc dire des choses positives. Et donc il a dit à haute voix, en voix alta, et ça c'est le texte espagnol de Manrique, il dit « Verdaderamente, gran gente fueron los franguis ». Ils étaient un peuple assez grand. Sinon, tuvieron tres cosas tan malas. Ils ont trois aspects très mauvais. Hein. La première, elles seraient kafires. Ils sont des kafirs, ils sont des infidèles. La seconde, elles comieron puerco. Ils mangent du porc. Et la troisième chose, donc, elles no lavaron las partes por donde la naturaleza repleta expela lo superfluo de los corpóreos vientres. Donc, ils n'ont pas l'habitude de laver la partie du corps où des choses sont expulsées. Donc, voilà les trois choses qui donc, donnent un mauvais aspect. Mais à part ça, apparemment, malgré cette affaire de Hooghly, Shah Jahan a une opinion assez, positif pour certains aspects, surtout pour l'aspect, pasteles, les pastéis des Portugais, donc font plaisir. Alors donc, vous voyez qu'il y a déjà, en ce début du XVIIe siècle, une espèce de vision assez compliquée, assez ambiguë pour ce qui est la façon dont les Européens et surtout les Portugais sont vus par les Mogols et par les Indiens en général. Donc, il y a une certaine fascination, et le témoignage de cette fascination, c'est le fait qu'il y a beaucoup de portraits d'individus, souvent des gens inconnus ou difficilement identifiables. On sait parfois qu'on a attribué telle et telle peinture ou un tel et tel personnage, comme par exemple il y a eu pendant un certain temps, et je m'excuse pour la qualité, il y a eu un débat pour savoir si cette peinture ne représente pas François Bernier. Mais en fait, vous voyez l'auteur de ce récit assez célèbre sur l'Empire moghol, c'est une peinture qui se trouve à la bibliothèque de Rampur en Inde du Nord, mais maintenant on est presque sûr que c'est plutôt un autre médecin, parce que c'est écrit sur la peinture Hakim Ferenghi, donc qui c'est un médecin de la communauté des Francs, mais maintenant on pense que c'est plutôt que Bernier, ça serait un autre médecin français qui s'appelle Bertrand, qui était dans l'Empire moghol pendant la première moitié du XVIIe siècle. Donc de cette façon-là, on voit qu'il y a une certaine, comme j'ai dit, fascination envers les Européens, mais en fait il y a aussi une histoire déjà venant du XVIe siècle, d'une vision extrêmement négative portée envers les Européens. D'ailleurs, juste pour ouvrir et fermer une petite parenthèse, il faut aussi savoir que les Moghols, au début du XVIIe siècle, avaient quand même une certaine idée de l'Europe venue probablement par les Jésuites. Hein, c'est-à-dire, comme les Jésuites ont aussi apporter un certain nombre de plans et même des globes, vous voyez que ça rentre dans le savoir moghol d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est une peinture assez célèbre, très connue, ce qu'on appelle une peinture allégorique, hein, qui montre le roi Jahangir ici en train d'embrasser Shah Abbas, le roi de Perse, qu'il n'a jamais vu dans sa vie, mais c'est une espèce de rêve qu'il a eu. Et il est donc, les deux sont posés sur le globe, donc lui sur l'Inde, plus ou moins, et sur un lion qui est posé sur l'Inde, et l'autre sur. Donc c'est un peu cette espèce d'allégorie de la coexistence des animaux dans un monde paisible. Mais si on regarde de très près cette peinture, et c'est pour cela que je vous ai donné ce détail-là, vous voyez qu'il y a une série d'endroits marqués. Ici, c'est Portugal. Ici, c'est Venedig. Venedig, c'est donc Venise. Ici, c'est France. L'Angleterre a disparu à cause de la couverture. Tandis que ici, vous aviez... ici, vous aviez Magyar, pour les Hongrois. Moscou. Et ici, près des pieds de Shah Abbas, vous aviez Europa. Hein, donc, pour désigner l'ensemble. Donc, vous voyez que celui qui a fait cette peinture, qui est un peintre assez célèbre du début du XVIIe siècle, avait copié ça. Et il avait donc pas seulement mentionné les endroits, par exemple, comme le Mulk Habesh ou autre chose en Afrique, ou la Mecque, et ainsi de suite, mais il a aussi pris le soin de noter l'existence d'une série d'endroits en Europe, y compris donc Moscou, qui faisait partie, donc peut-être pas de savoir partagé par tout le monde, mais disons au moins une partie de l'élite mongole avait quand même une certaine connaissance de l'existence d'une Europe qui était assez concrète. Mais revenons au XVIe siècle. Au XVIe siècle, par contre, on sait qu'il y avait, et on le sait, des textes parlons des Portugais notamment et des Européens en général, et qui étaient assez violents contre eux. Et voici deux exemples, des textes qui ont été produits sur la côte ouest de l'Inde, dans la région de Kerala, là où les Portugais sont arrivés en premier. Et alors, donc, vous aviez ici les deux textes. Un texte qui est très connu, qui est le texte de Cheikh Zainuddin Mabri, Tafad al-Mujahideen, le don aux guerriers saints, donc les mujahides, ceux qui font le djihad. Le djihad en question, c'est donc contre les Portugais. Les Portugais qui ont, selon ce texte, envahi les terres des musulmans où les musulmans habitaient. Et donc, selon l'auteur de ce texte, qui commence avec des considérations juridiques, c'est une obligation, un farz. Donc, tout le monde est obligé de faire la guerre contre les Portugais, même les femmes et les enfants, il le dit. Ça, c'est un autre texte écrit par un parent de Cheikh Zainuddin, un peu moins connu, d'un certain Qazi Muhammad, qui s'appelle Fatal Mubin. Ça, c'est un texte écrit en poésie. et portant toujours sur les Portugais et leurs actions et comment, en fait, ils sont des gens extrêmement méchants. Donc voilà deux passages de ce texte-là. Hein, donc les Portugais, ce sont les pires de toutes les créatures, aux manières les plus sales, les ennemis les plus âpres d'Allah et de son prophète, de sa foi et de la communauté de prophètes. Le franc, vous voyez, même mot, à frange, vénère la croix et se prosterne devant les images et des idoles, donc il est censé aussi être idolâtre en quelque sorte. Laid d'apparence et de forme, aux yeux bleus tels une goule, il urine debout comme un chien. Hein, ce que font manifestement, c'est pas dans les habitudes des musulmans. Hein. Donc, et ceux qui se lavent sont réprimandés et chassés. Hein. Fourbe, désobéissant et déloyal, la plus répugnante des créatures de Dieu, c'est le franc. Donc, autre passage, le franc est venu à Malabar sous l'apparence d'un marchand, mais avec l'intention de tromper et d'escroquer. Pour garder tout le poire, le gingembre pour lui, et il ne laissait que des noix de coco pour les autres. Hein? En l'année 903, il s'est trompé légèrement. Hein? Après la migration de prophètes, choisi parmi le genre humain, le franc apporta quelques présents au Samiri, c'est-à-dire le roi de Calicut, et demanda à être l'un de ses sujets en disant qu'il aiderait le pays à prospérer et qu'il le défendrait contre ennemis rebelles. Alors, le Samiri le préféra entre tous les autres et rejeta les mises en garde de ses sujets qui disaient « Le franc détruira nos terres, désormais nos paroles se sont avérées car il se soumit comme un esclave. » Puis, ayant pris des forces, il se dressa et assujettit les terres de Hind et de Sindh et jusqu'à la Chine. Ce n'est pas un mensonge. Donc, vous voyez le texte extrêmement violent, très polémique. Avec quelques détails, c'est beaucoup moins détaillé au niveau des campagnes et des choses comme ça que le Tohfat al-Mujahideen, mais néanmoins, c'est un texte qui faisait partie donc des idées reçues sur les Européens qui circulaient déjà. Ces textes ont été rédigés probablement dans les années 1570-80, donc déjà à la fin du XVIe, début du XVIIIe siècle, ça faisait partie des idées reçues. Donc en fait, on a cet aspect-là. Par contre, on a aussi cette fascination qu'on voit partout, ces peintures qu'on a vues en Inde moghole, même ici, on est en Inde du Sud. Hein. Et ça, c'est le palais d'un petit royaume en Inde du Sud qui s'appelle Ramanadapuram, qui est dans l'extrême sud du pays tamoul. Hein. Et il y a donc ces espèces de peintures sur les murs, et vous voyez ici les Européens qui sont reçus par le roi, accompagnés par sa femme, hein, donc des Européens assis sur des chaises. Donc, il y a pas mal de ce genre de représentation, l'exotisme portant donc effectivement sur les Européens. Alors donc, arrivé au XVIIIe siècle, les choses commencent comme lentement à évoluer et à changer. Et ça, dans plusieurs contextes. Il y a, bien sûr, la présence croissante et de plus en plus compliquée et complexe des couches sur couches de la présence européenne. Par exemple, on sait qu'à la fin du XVIIe siècle, quand Guillaume III, qui était à l'époque donc juste devenu roi d'Angleterre, à la suite de la révolution glorieuse de 1688. Donc, Guillaume III et sa femme Marie ont envoyé un ambassadeur à la cour moghole, qui était un certain Sir William Norris, et il arrive et, à sa surprise, il est donc questionné par un certain nombre des vizirs qui ont, semble-t-il, une très bonne connaissance du système politique européen. Donc, on commence à lui poser des questions qui sont vraiment extrêmement problématiques. Par exemple, il dit tout d'abord que le roi d'Angleterre, c'est-à-dire Guillaume III, est le plus grand roi en Europe. Donc, on lui demande, et par rapport au roi de France, Louis XIV, il est plus grand, hein? Et alors, donc, par la suite, on commence à lui poser des questions, mais pourquoi est-ce que ça se fait que votre roi était, il n'y a pas si longtemps que ça, le roi des Pays-Bas, et maintenant il est le roi d'Angleterre? Et vous passez votre temps à nous dire que les Néerlandais sont les pires des gens, ce que faisaient les Anglais assez souvent. Et maintenant, donc, c'est quoi la différence entre vous et eux si votre roi était leur roi et maintenant il est le vôtre? Donc, ce genre de choses, Sir William Norris est mal placé pour répondre à toutes ces questions. Surtout, il est surpris. Mais en fait, c'était peut-être parce qu'il était un peu naïf. En lisant un certain nombre de lettres de François Bernier, par exemple, on sait que Bernier avait été en contact avec des gens haut placés à la cour moghole qui avaient appris le portugais et le latin, qui étaient plus ou moins au courant d'un certain nombre de choses. Et on sait que Bernier lui-même, et ça c'est très bien connu, avait traduit des textes pour celui qu'il appelait son aga, son maître, qui était un certain Iranien qui s'appelait Danishmend Khan, portant sur toutes sortes de choses dans la culture européenne. Il avait même fait passer un certain nombre des idées, sinon les écrits de Gassendi. Mais à partir de ce moment, c'est-à-dire là on est au milieu du XVIIIe siècle, on va commencer à trouver un autre genre de texte, et c'est sur cet autre genre de texte que je vais donc passer le temps qui me reste. On sait qu'il y avait des Indiens qui sont allés en Europe déjà au XVIe siècle. Il y avait un certain nombre, déjà, quand Vasco da Gama est revenu en Europe en 1498-19, il avait amené des Indiens avec lui. On n'a pas eu des écrits de la part de ces Indiens. On connaît des noms. Il y avait, par exemple, un Indien du Kerala, qui est revenu avec les Portugais dans leur deuxième ou troisième voyage, qui s'appelle Joseph de Cranganor, qui a écrit des choses, mais les écrits qu'on a de lui sont des écrits portant sur l'Inde plutôt que sur l'Europe. C'est en fait pour répondre à la curiosité des Européens plutôt que raconter aux Indiens comment les choses étaient en Europe. Et pendant tout le XVIe siècle, on sait qu'il y avait un trafic pas énorme, mais pas inconsidérable des gens qui sont allés de l'Inde en Europe pour des raisons différentes. Des esclaves, il y avait certainement. On sait que dans des lettres diplomatiques, par exemple, on parle des esclaves qu'on a envie d'envoyer pour une raison ou une autre. Il y avait aussi parfois des marins. Il y avait aussi des ambassadeurs. On sait que, par exemple, un certain nombre des rois de l'Inde ont envoyé des représentatifs ou des ambassadeurs. Il y a une histoire assez curieuse qui est racontée sur le sultan de Bijapur qui avait envoyé vers 1570 son ambassadeur au Portugal. Et en fait, ça s'est raconté dans les textes portugais. Selon ces textes, l'ambassadeur est arrivé au Portugal où il a voulu voir le roi de Portugal, Dom Sebastião, qui était à l'époque assez jeune. Et comme Dom Sebastião n'avait pas envie de montrer qu'il était un gamin, il était assez jeune, il n'a pas voulu le voir en cours comme ça, et donc il l'a convoqué dans sa chambre. Et il l'a vu caché à moitié dans son lit. D'ailleurs, l'ambassadeur de Bijapur a eu du mal à croire que c'était vraiment le roi, et donc ils ont eu besoin de faire venir le dernier vice-roi de l'Inde portugaise, qui était donc connu de cet ambassadeur, qui a donc témoigné que c'était en réalité le roi, même s'il avait l'air de rien du tout caché dans son lit. Mais le problème avec tous ces gens-là, pour nous historiens, c'est qu'il n'y a presque pas de récits. Il y a très très peu de récits portant sur l'expérience de ces gens. Donc en réalité, on a pendant tout le XVIe siècle et presque jusqu'à la fin du XVIIe siècle, une vision assez inégale où les Européens existent. Mais l'Europe même existe d'une espèce de flou artistique. Il n'y a pas une vraie notion de ce qu'est l'Europe, mis à part ces deux, trois choses. On a vu la représentation cartographique qui existe, et on a vu également qu'il y a eu un certain nombre d'autres réflexions venant en partie par ces gravures, par exemple, qui étaient des versions assez idéalisées, par exemple, des villes européennes, et ainsi de suite. Alors, les choses ont commencé à changer dans le XVIIIe siècle. Et c'est à partir du XVIIIe siècle qu'on commence à avoir des récits portant sur l'Europe, donc écrits pour le public indien. Et il y a donc dans ces récits-là différentes sortes de sous-genres. Donc, vous voyez ici deux livres et un article portant sur ce sujet-là. Il y a donc une thèse qui a été soutenue à Oxford il y a fort longtemps par Wolfishan Khan sur les perceptions des musulmans indiens de l'Occident. Il y a le livre ici de Michael Fisher qui s'appelle Counterflows to Colonialism, portant sur les voyageurs venant de l'Inde en Europe, surtout au 18e. Et il y a aussi un petit article de notre ami Simon Digby, Beyond the Ocean, sur la perception de l'outre-mer dans la culture de l'Empire moghol. Mais je vais donc maintenant regarder d'un peu plus près ces textes-là, mais le problème avec ces textes, qu'on verra par la suite, c'est qu'ils viennent tous déjà d'une époque quand la conquête britannique a commencé. Et ça va avoir une certaine influence sur le contenu de ces textes, même s'ils ne sont pas tout à fait prévisibles dans ce qu'ils disent. Bon. Deuxième chose qu'il faut quand même dire, c'est que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, même des gens qui n'ont jamais voyagé en Europe ont des connaissances de plus en plus approfondies de l'Europe et même de l'histoire européenne. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, au XVIe siècle. Si vous regardez le Tahfat al-Mujahideen ou le Fath al-Mubin, on voit qu'ils ont en fait une notion très vague de ce qui est l'Europe ou le contenu de l'Europe, etc. Tandis que ici, vous aviez un texte, une chronique écrite par quelqu'un en Inde du Sud, dans un royaume pas très loin de Madras, qui est le royaume de Arcot, et qui s'appelle donc Burhan Khan Handi. Et il a écrit une chronique qui s'appelle Tozake Wala Jahi, portant sur la dynastie d'Arcot. Et à un moment donné, il est en train de raconter l'histoire de sa région. Il va s'arrêter pour dire, et maintenant, il faut quand même expliquer qui sont ces francs. Parce que jusque-là, on a parlé d'eux comme des acteurs dans les situations côtières, mais en réalité, il faut comprendre qui ils sont. Donc voilà l'introduction. Il dit, donc, il y a quelques générations, il y avait cinq groupes parmi les peuples de la communauté des Francs, les Francs, qui sont venus s'établir dans le centre, sur la côte, dans les régions d'Arcot, avec la permission des rois. Donc, il va procéder à la description. Et cette description commence donc avec la situation au XVe siècle, et comment il y avait des marchands qui habitaient Venise et Gênes, Cher et Venus, et il dit Venus plutôt que Bénédicte, va Cher et Jiva, et qui faisait le commerce en Égypte, etc., etc. Et puis, il commence à raconter les choses. Et son récit, en fait, c'est assez intéressant. Il a tout un développement sur Christophe Colomb, par exemple. Et il nous raconte l'histoire de Colomb, les difficultés qu'il a eues pour avoir des patrons, comment il s'est adressé à différents rois, finalement, comment la reine Isabelle et son mari ont été ses patrons, etc. Et puis, il va procéder par Colomb, les Portugais, et puis les Anglais, les Néerlandais, etc. Et à chaque endroit, par exemple, il parle des systèmes politiques différents. Il raconte ce qu'est le papauté, la différence entre les catholiques et les protestants, pourquoi les Néerlandais et les Anglais ne sont pas les mêmes types de francs que les Portugais, les Espagnols et les Italiens. Et donc, on a tout cela, et ce qui est assez frappant, c'est que c'est quelqu'un qui, à notre connaissance, n'a jamais mis pied en dehors de l'Inde. Donc, il est un espèce d'intellectuel de cabinet, il est un peu, si vous voulez, João de Barros, l'intellectuel portugais, avec un peu de décalage. Donc, celui que, tout en restant en Inde, est capable, à partir de sa lecture de texte, de reconstruire tout ce monde. Donc ça, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible. On peut donner d'autres exemples aussi, des gens qui étaient connus comme des intellectuels importants de cette époque-là. On peut, par exemple, prendre un cas comme Tafazul Hussein Khan ou d'autres. Mais on a aussi des gens comme plus ou moins connus. Donc ça, c'est un des moins connus, qui ont fait voyage et puis qui ont laissé des récits de voyage portant sur l'Europe. Ça, c'est un texte qui est relativement peu connu par un auteur qui s'appelle Mir Mohammad Hussain ibn Abdulazim Isfahani. C'est donc quelqu'un d'origine iranienne, mais qui a vécu en Inde. Et il dit qu'il avait eu pendant très longtemps des rapports et des relations avec les Européens, c'est-à-dire les Britanniques au Bengale. Et ils ont parlé de pas mal de choses sur, vous voyez, discoveries of innumerable hitherto unknown islands, donc la géographie, le globe terrestre, etc. Et puis, finalement, il dit que comme les mystères et les principes de ces nouvelles sciences n'étaient pas encore diffusés en Inde, par conséquent, pour satisfaire sa curiosité, il a décidé d'aller en Europe pour avoir un accès direct à ses connaissances. Et donc, ça, c'est pour nous expliquer pourquoi il a fait ce voyage. Il nous a laissé donc un petit récit de voyage. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même assez intéressant. Il y a donc finalement ces deux grands voyageurs des dernières décennies du XVIIIe. Et c'est avec ces deux que je vais donc terminer cette séquence de cours pour voir un peu, pour boucler un peu la boucle. Le Collège de France et France Culture vous présente Sanjay Subramaniam, l'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e-18e siècle. Le premier qui est assez connu, malheureusement, à ma connaissance, il n'y a ni une bonne édition de son texte, ni une traduction en français, mais il y a quand même cette version qui existe en anglais, une version problématique, parce que ça a été fait par quelqu'un qui s'appelle James Edward Alexander, qui était un militaire et donc qui, apparemment, en partie n'avait pas une très très bonne connaissance de persan, mais il a aussi détourné le texte, presque délibérément parfois, pour dire des choses que l'auteur n'a pas voulu dire. Mais c'est qui ? C'est ce monsieur-là. Il s'appelle Mirza ou Mirza Sheikh Etsamuddin, qui est un musulman relativement haut placé du Bengale et qui a été envoyé en mission dans les années 1770. Et alors, il nous raconte ici dans son introduction, dans la traduction assez traditionnelle, « In the name of the most merciful God, all due praise be to that Creator, who having withdrawn the sons of our first parent from the dawn of darkness of ignorance, etc. » Donc il dit par la suite, « It will be shown that I, Sheikh Etsamuddin, a pilgrim, and traveler, and now wearied of traversing countries, the son of Tajuddin, etc., etc. » Donc, il nous dit qu'il est le fils de Tajuddin, qu'il vient d'une petite ville qui s'appelle Pashnour, et qu'il avait voyagé en Europe, et il a donc fait une série de choses. Alors, pour comprendre ce qu'il a fait, juste deux, trois mots, il est très lié avec ce personnage-là, qui n'est pas du tout inconnu aux spécialistes des collections européennes. Et d'ailleurs, selon quelques textes généalogiques qu'on trouve sur Internet, qui est un ancêtre de Tilda Swinton, mais peu importe. Ça, c'est donc Archibald Swinton, un grand collectionneur écossais encore, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui a été donc envoyé en Angleterre comme ambassadeur, mais de l'empereur moghol. Donc, Swinton est envoyé par l'empereur moghol Shahalam II pour représenter ses doléances au roi George III. Parce que, bien sûr, on est dans les années 1770, les Anglais ont commencé la conquête du Bengale et puis une partie du Bihar. Le roi moghol n'est pas content, pour des raisons évidentes, et il trouve aussi que les Anglais sont assez exigeants et ils ont envie de prendre pas mal de choses autour de lui, pas seulement des terres, mais aussi des joyaux, des pièces, etc. Et donc, il se fie de Swinton, mais comme il n'est pas absolument sûr de Swinton, il va faire accompagner Swinton par un certain nombre de gens qui sont des musulmans connus, dont ce cher Etzamuddin du Bengale. Et donc, on va envoyer des lettres à George III qui ont été confisquées. On les trouve maintenant dans la société asiatique à Londres. Mais en creusant plus loin, d'ailleurs, Swinton, on sait, il est lié avec Poliet. Ils font partie du même cercle. Ils sont souvent en train de faire le même genre de transactions. Ils achètent, ils vendent. Et d'ailleurs, et Swinton et Poliet vont vendre une grande partie de leur collection à la même personne, Beckford. Et donc, en fait, une partie de la collection de, comme vous aviez ces pages de Poliet qui sont assez caractéristiques dans leur forme, vous voyez ici une partie de la collection de Swinton ou une autre partie qui maintenant se trouve dans le musée d'art islamique à Berlin, exactement dans les mêmes séries que les albums de Poliet. Et tout cela, c'est parce que ça a été acheté par des Allemands en passant par Beckford, qui était donc à la fois celui qui a été l'acheteur de la collection de Poliet et la collection de Swinton. Donc, c'est un petit monde, tous ces gens. Hein. On se connaît tous, et d'ailleurs, on connaît aussi d'autres personnes, parce que Swinton est aussi lié avec quelqu'un d'autre, et parfois a laissé un mot ou une certification sur un certain nombre de ses manuscrits, qui est un personnage très intéressant, qui est un certain Ghulam Hussein Tabatabai, qui était l'auteur de ce grand texte, grand chronique, qui s'appelle Siyar al-Mutakhirin, qui est une espèce de chronique du XVIIIe siècle portant sur l'Empire moghol, dans lequel l'auteur nous livre ses réflexions, par exemple, aussi sur les Européens. Et là, contrairement au cas de Burhan Khan, on sait que, donc, dans le cas de Ghulam Hussein, tout ce qu'il raconte sur les Européens, il a eu de la bouche de Swinton. Donc, on peut même tracer les sources de ces informations. Donc, tout ce monde est lié dans ce monde, dans ces réseaux de collectionneurs, des acheteurs, mais aussi des réseaux politiques. Donc, vous voyez un peu Etzamuddin. Je vous donne juste deux passages. Ça, j'ai trouvé amusant parce qu'il a aussi été un peu en France et il a été à Nantes. Donc, il fait des petites réflexions comparant les Français et les Anglais. Donc ici, il nous dit que les Français disent que, en fait, que les Anglais étaient plutôt ignorants et c'est à cause des Français qu'ils se sont fait instruire. Hein? Donc, the English are instructed by them in music and horsemanship. For the wealthy among the English send their sons and daughters to the schools of France. And in consequence of which, say they, the English are now skilled in the arts and science. C'est à cause des Français que les Anglais ont gagné un peu de culture. Hein? Mais autrefois, in former times, ils n'avaient ni l'habilité, ni les nor the skill which they now possess, and were ignorant like the generality of Hindustanis. However, they allowed that they are brave soldiers. Donc, des Anglais qui ont de courage, mais pas beaucoup d'intelligence, ni d'une bonne formation. Mais par la suite, il dit qu'il il reste un peu sceptique en disant que I clearly perceive that the whole conversation of the French was an attempt to display their own superiority and without any good reason, they abused other castes. Ici, caste, c'est comme, c'est donc communauté. Donc, Il a compris que c'était une espèce de jeu de la part des Français. Il nous dit aussi des choses, au départ, assez positives sur l'Angleterre. Donc, il y a un aspect où, pour lui, l'Angleterre, c'est un pays de merveilles. Vous voyez ici la ville de Londres, qui est la plus belle dans le monde entier, sa langue n'est pas capable de décrire les merveilles d'une telle ville. Mais si on commence à creuser un peu dans ce texte, même dans cette version qui a été faite par Alexandre qui l'a trahi d'ailleurs, à maintes endroits, à la fin en supprimant des choses qui sont dans le texte et en rajoutant des choses qui ne sont pas dans le texte. Mais donc, même si on regarde ça, on se rend compte qu'il est assez critique et assez sceptique par rapport à beaucoup d'aspects des Anglais. Par exemple, ça, c'est aussi un aspect qui m'a retenu mon attention, parce que là, il parle d'Oxford. Comment il est allé rendre visite à Oxford, à la ville d'Oxford. Et dans un des collèges, il a vu un professeur qui s'appelait Dr. Hunt, qui était un orientaliste assez connu de l'époque, et qui lui a montré beaucoup de textes en persan venant de Bodleian. Donc, j'imagine qu'il a aussi vu la collection de James Fraser. Donc, il dit, par exemple, il y avait une traduction de Khalil al-Dimna. Ça, c'est le Panchatantra, c'est les fables portant sur les animaux. Et il a par la suite visité Mr. Jones. Mr. Jones, c'est William Jones. Et qui est maintenant à la cour de Calcutta, il dit. Et donc, ils sont allés, ils ont regardé beaucoup de livres en persan et en arabe. Il y avait aussi ce texte écrit par Mulekul Juzes, au roi d'Angleterre. Puis il dit, en Angleterre, en réalité, il n'y avait personne qui était vraiment capable de lire le persan. Alors, ça, c'est à une époque quand Jones se vante de ses propres capacités en persan, qui dit qu'il a été capable de traduire des kilomètres de textes en persan, et là vous voyez qu'il est en train de jeter un peu d'eau froide sur ses prétentions. Il nous dit qu'en effet c'est assez curieux parce que en Angleterre il y a beaucoup de textes, beaucoup de livres. Il dit que dans le musée britannique il avait vu des livres en bengali et en autre écriture, mais que en effet les Anglais collectionnaient tout cela sans vraiment savoir ce qu'il fallait faire avec. Donc c'est un peu, il y a donc une espèce de sous-entendu critique partout, mais c'est aussi un peu la mission qui va échouer. Il a l'impression qu'il est malmené par les Anglais, il a beaucoup de choses à dire à l'égard de Robert Clive, qu'il n'aime pas du tout. Donc vous voyez qu'ici, dans les années 1770, on est dans un cadre donc, où il y a un rapport avec l'Europe et avec les Européens qui est devenu autre, beaucoup plus un rapport de subordination, mais même dans ce cadre de subordination, il y a encore des aspects critiques qui vont sortir. Et finalement, pour arriver à ce dernier voyageur, très connu, très célèbre à son époque et puis par la suite, qui s'appelle donc Mirza Abu Talib Khan ou Abu Talib Khan Isfahani, qui a fait un voyage à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et puis qui est rentré par la voie terrestre. Donc il est passé par la France et puis la Méditerranée et l'Empire ottoman, l'Irak, et il est rentré en Inde par cette voie-là. C'est un récit de voyage assez énorme, très très fourni en détails, assez amusant. C'est un monsieur très vaniteux, qui se persuade que partout où il voit les femmes le trouvent irrésistible. Mais c'est aussi quelqu'un, on a quand même pas mal de témoignages portant sur lui aussi en Angleterre. Donc on peut aussi faire un peu la correction de ses propres avis avec les autres textes. Et d'ailleurs, ce texte a été traduit en français à partir de la version anglaise. Et là, vous voyez les voyages de Mirza Abu Talib Khan. Et vous voyez qu'il commence, la traduction est en deux volumes. Il commence, juste un mot sur la traduction. C'est donc en persan, ça a été traduit par Charles Stewart, qui était un persianisant relativement compétent, qui a aussi fait le catalogue de la bibliothèque de Tipu Sultan après la conquête de Mysore. Et donc c'est à partir de la traduction de Stewart qu'on a fait la traduction en français. Alors là, il nous raconte au tout début sa vie, qu'il était fils de Haji Mohammed Beg Khan, qui était un Turc d'origine, mais né à Isfahan. Étant jeune encore, il a redouté la tyrannie de Nadir Shah. Et puis, donc, il nous raconte comment il est venu dans la région de Lucknow, où il a été au service de Abul Mansur Khan Safdarjung, qui était le grand le vizir et un homme chiite de grande importance. Par la suite, il nous raconte comment il est arrivé au Bengale, sa vie entre l'Inde du Nord et l'Inde de l'Est, et puis finalement, comment il a décidé d'entreprendre ce voyage en Angleterre. Donc, encore une fois, juste deux passages pour vous donner une petite idée de sa façon de voir les choses. Il nous donne une description donc, de ce qu'il appelle le gouvernement britannique, la nature du gouvernement britannique, etc. Il dit que la constitution de la Grande-Bretagne est d'une forme mixte, c'est un mélange de gouvernement monarchique, aristocratique ou démocratique, représenté par le roi, la chambre haute, etc. Donc, vous voyez, c'est assez détaillé, il a eu une connaissance directe, il a aussi manifestement parlé avec beaucoup de gens, il a eu droit à un entretien direct avec George III, d'ailleurs. Donc, il était assez bien introduit un peu partout. Il a aussi parlé avec les premiers ministres, des hommes haut placés. Tout cela, ça a l'air assez raisonnable. Et d'ailleurs, il nous dit que les Anglais ont la meilleure forme de gouvernement qui existe plus ou moins dans le monde. On a l'impression que tout va bien. Puis, il commence à dire, mais il ne faut quand même pas exagérer. Il y a aussi des aspects bons et mauvais quand il s'agit du caractère national des Anglais. Et il dit... je vais passer maintenant une partie désagréable de ma narration et qui me fera peut-être accuser d'ingratitude. Hein. Mais il dit que les Anglais même, et notamment une certaine Lady Spencer, a demandé qu'il fasse aussi une critique. Donc, le premier et le plus grand défaut que j'ai trouvé chez les Anglais est leur manque de religion et leur grand attachement à la philosophie, l'athéisme. Hein. Donc, deuxième défaut, c'est la vanité ou plutôt l'insolence. Fier de son pouvoir et de sa prospérité pendant ces 50 dernières années, il se semble ne pas craindre un retour de la fortune et dédaigner de le prévenir. Hein? Donc, ainsi de suite, il va nous dire pas mal de choses. Mais c'est aussi curieux qu'il va passer par la suite à nous dire des choses sur les Français. Il est passé par la France en rentrant en Inde, sur le caractère des Français. Des choses assez mélangées. Je commence donc avec les aspects positifs. Tous les Français en général, mais surtout les Parisiens, sont extrêmement polis, affables et prévenants. Jamais ils ne servent simplement des mots « oui » et « non hein, », mais emploient toujours une circonlocution pour exprimer l'honneur qu'on leur fait, on le regrette qu'ils ont d'être obligés de contredire, etc. Mais les Français, en plus... ça, c'est assez remarquable à nos jours. Les Français paraissent toujours heureux et ne se chagrinent guère de ce qui arrive, car immédiatement après dîner, ils sortent et s'amusent jusqu'à minuit à se promener dans les jardins publics ou à visiter les spectacles, dont l'entrée ne coûte pas le quart de celle des théâtres de Londres. C'est toujours vrai. Il faut convenir cependant que quelques-uns de ces lieux publics sont si petits et si mal disposés qu'il n'y a qu'un Français qui puisse s'y plaire. Puis, dans les cafés de Londres, si l'on demande à déjeuner, le garçon a l'attention d'apporter à la fois tout ce qui est nécessaire sur un plateau et ensuite les œufs ou les fruits dont on peut avoir envie. Il emploie ce moyen pour ne pas être obligé d'aller et venir souvent, ce que les Anglais détestent beaucoup. Mais quoique le garçon sache à Paris tout ce qui est nécessaire pour le service, il n'en oublie pas moins la moitié, de sorte qu'il est obligé de faire une demi-douzaine de courses au comptoir avant qu'on ait tout ce qu'il faut. Et lorsqu'il se trouve beaucoup de monde dans la salle, cela cause nécessairement de l'embarras et de la confusion. Plus ça change. Mais il y a aussi un autre aspect finalement qui va ressortir dans ce texte, c'est qu'à un moment donné, il devient assez énervé. C'est quand on commence à lui dire que... de lui faire des critiques portant sur les... rapport entre les gens en Inde. Et ça, c'est quelque chose qui lui arrive. On lui dit que les femmes sont très maltraitées en Inde et que les femmes ont beaucoup plus de droits en Europe et surtout en Angleterre. Et là, il va donc finalement écrire ce texte, qui est un texte assez curieux, assez remarquable, qui est la réfutation des idées qu'on a en Europe sur la liberté des femmes d'Asie. dans lequel il va donc défendre la réputation des Asiatiques, mais Asiatiques ici ça veut dire les Indiens, pour dire que vous vous êtes trompé, les rapports qu'on a entre hommes et femmes en Inde ne sont pas si mauvais que ça, et il ne faut pas exagérer la culture et la civilisation de l'Angleterre. Donc même dans ce texte-là, qui d'ailleurs est beaucoup plus révérencieux, beaucoup plus positif envers l'Europe et surtout envers l'Angleterre que le texte d'Est Samuddin, on voit déjà un glissement entre les deux, mais même dans ce texte-là, on trouve encore des traces d'une espèce de réticence, je dirais, ou peut-être ce qu'on a parfois appelé une espèce de patriotisme hindoustani ou indo-musulman qui n'a pas totalement lâché prise. On le trouve chez lui, et c'était peut-être à cause de ça qu'il parfois il cite dans son texte ce fameux vers de Saadi, hein, qui est une espèce de bon exemple de relativisme culturel à la persane ou à l'indo-persane. Khuran e beshtira dozak bud araf az dozakian purski araf besht ast. Saadi a dit qu'aux habitants de Paris, en fait c'est les houris de paradis, hein, qu'aux habitants de paradis, le purgatoire paraîtrait un enfer, tandis que pour les pécheurs qui sont en enfer, le purgatoire serait un paradis. Donc il dit ça en faisant référence à la comparaison entre différents pays européens. Il dit ça aussi parfois en disant que c'est une question de perspective, hein, ce qui paraît le paradis pour certains et l'enfer pour d'autres. Très différent par exemple aux réflexions de l'ambassadeur ottoman venu en France en 1715, qui a donc dit qu'en effet c'est le paradis des infidèles, mais un enfer pour les croyants. Hein. Donc vous voyez que ce n'est pas exactement le même genre de réflexion, mais toujours cette espèce de relativisme qui nous a amené donc assez loin des visions tout à fait noires et négatives qu'on trouve au XVIe siècle, par exemple dans ces textes arabes, mais cette transformation a aussi accompagné donc une conquête. Je vous remercie. Collège de France, vous venez d'écouter Sanjay Subramaniam, L'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e-18e siècle, le 13 juin 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours de Sanjay Subramaniam. Il a publié cette année « L'éléphant, le canon et le pinceau, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie 1500-1750 chez Alma Éditeur » et « Leçons indiennes, itinéraire d'un historien en 2015 » et « Vasco de Gama, légende et tribulations du vice-roi des Indes » en 2012. Réalisation Ghislaine David avec Nicolas Slimani, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous débutons une nouvelle série en compagnie de Thomas Römer, retour sur la Genèse pour ses cours sur la Bible et l'Égypte, histoire de Joseph. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.